J'pourrais pas tout effacer. Ses yeux me rappellent le passé. Sentiments entrelacés. Mon cœur est cadenassé. Je ressens que douleur. On a commis trop d'erreurs. Pourquoi tu pleures? Tu sais que pour toi je meurs. Donc à vous tenir, faut pas la tenir. Elle est dans sa folie, elle vit la Tony. Faut pas s'étonner, une bombe atomique. Sous sa petite tenue, elle a cartonné. Ouh, dangereuse. Ouh, elle est amoureuse. Elle est si belle, belle, belle. Mais c'est un bordel, del, del. Elle est si belle, belle, belle. Mais c'est un bordel, del, del. Dangereuse, amoureuse et imprévisible. Elle sait qu'elle va jamais me fragiliser. C'est des fois le diable est bien déguisé. Des fois elle me fait du mal juste pour s'amuser. Yeah. Moi j'ai déjà benda. Avant j'en fais les yeux bandés. Elle veut m'affaire, tu pas coda. A mon réel, j'suis débordé. I'm sorry, señori, señori. I'm sorry, señori, señori.